léegi sama gars yi wax leen ma lippoon bii nag demba la woon nag demba prof bi ni ko demba 10 mois 30 demba xool affaire bi toy ko waat trop bind ñaari def ñaari trait prof bi yow ni ko demba c'est quoi ça mu ne ko monsieur ce sont les rails mu ne ko ana le train mi fay juste de passer.